tous mes amis, adore tes yeux. Adore mes yeux. Aime tes cheveux. Aime mes cheveux. Ta modestie. Ma modestie. Tes petits seins. Tes petits seins. Passe un serpent. Passe un serpent. Qui a du du du. Qui a du du du. Qui est ton cul. Qui est mon cul. Et Jean-René. Et Jean-René. Dessine tes pieds. Dessine mes pieds. Le pervers loup. Le pervers loup. Voyant ta bouche. Voyant ma bouche. Je me tire avec culpe au club.